Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 8. De la volonté et de son objet. La volonté a pour objet final le bien. Elle se porte vers la fin et vers les moyens. 1. La volonté ne veut-elle que le bien? Le mal est en dehors de la volonté, a dit Saint-Denis. Tous les êtres veulent le bien. La volonté est un appétit rationnel, c'est-à-dire l'inclination d'un être vers une chose qui lui paraît avoir avec lui des rapports de convenance et de similitude. Or, les choses, quelles qu'elles soient, constituant, comme substance ou être, un certain bien, toute inclination a nécessairement un bien pour objet. Le bien, dit Aristote, est ce que tous les êtres désirent. Note. Tous les êtres veulent le bien, mais ils ne veulent pas tous le bien qu'ils doivent vouloir. Celui vers lequel se porte la volonté est le bien perçu par l'intelligence, qui peut se tromper, il n'est souvent qu'un bien apparent et sans réalité pour l'être qui le recherche. La fin de la volonté, a dit le philosophe, est le bien, mais le bien réel ou apparent. Fin de la note. 2. La volonté veut-elle seulement la fin, ou veut-elle aussi les choses qui conduisent à la fin? Il est constant que la volonté, considérée comme faculté, s'étend à la fin et aux choses qui y conduisent. En effet, le bien qu'elle a pour objet peut se rencontrer dans les moyens comme dans la fin. Mais si on nous parle de la volonté comme produisant un acte, elle n'a proprement que la fin pour objet, car la fin est bonne par elle-même, au lieu que les moyens, n'étant un bien que par le rapport avec la fin, ne sont ni bons de soi, ni voulus pour eux-mêmes. La volonté, en se portant vers eux, se propose toujours une fin, et elle ne veut en eux que cette fin même. 3. La volonté se porte-t-elle par un même acte vers la fin et vers les moyens? La volonté se porte vers une fin de deux manières, d'abord directement, en considérant la fin absolument et en elle-même, et alors elle peut vouloir la fin considérée comme fin, sans se porter vers les moyens qui y conduisent. Ensuite indirectement, en tant que la fin est impliquée dans les moyens qui s'y rapportent, ce qui arrive lorsque la fin est, au fond, la raison qui porte à vouloir ses moyens. Dans ce dernier cas, la volonté se porte, par un même acte, vers la fin et vers les moyens. Mais l'acte par lequel la volonté veut la fin d'une manière absolue, est un acte distinct, qui a parfois une priorité de temps sur l'acte qui veut les moyens. Un malade, par exemple, veut sa guérison, voilà la fin d'abord. Cherchant ensuite comment il pourra l'obtenir, il veut appeler un médecin, voilà le moyen après la fin. Ainsi la volonté peut vouloir la fin sans les moyens, mais elle ne peut vouloir les moyens sans la fin elle-même. Pour nous servir d'une comparaison, notre intelligence saisit quelquefois les principes sans les conséquences, mais, dans les conséquences auxquelles elle donne son assentiment à cause des principes, elle embrasse les principes eux-mêmes. Note. Qui veut la fin ne veut pas toujours les moyens, mais qui veut les moyens veut la fin. Qui veut aller au ciel n'en prend pas toujours la route, mais qui prend la route de l'enfer veut aller en enfer. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.